Chers auditeurs, bonjour, je suis Thomas Carazo et vous écoutez Historia Nancy sur Radio Fadjet. Historia Nancy, qu'est-ce que c'est ? C'est le journal par et pour les étudiants de Nancy. On rend l'histoire accessible à tous en donnant la parole à chacun. Et justement, aujourd'hui, je suis accompagné de Diane. Diane, comment vas-tu ? Ça va très très bien, je te remercie Thomas. Et toi, comment ça va ? Ça va, je te remercie Diane. Avec nous, Léo. Léo, est-ce que ça va ? Ça va très bien. Il nous rejoint Nikita. Nikita, ça va ? Bien entendu, merci. Et aujourd'hui, on accueille une nouvelle dans l'équipe, Anaïs, étudiante en deuxième année d'Infocom. Anaïs, est-ce que tu es prête pour cette première émission ? Évidemment, et très... C'est pas grave, t'inquiète pas. Enthousiaste. Et on est tous les quatre accompagnés, tous les cinq, tous les beaucoup accompagnés cet après-midi d'Anastasia, qui est étudiante en licence d'histoire, musicienne talentueuse et compositrice de notre magnifique jingle. Anastasia, comment vas-tu ? Très très bien Thomas, merci. On reviendra à toi très vite pour t'interviewer, mais d'abord, la dernière émission, vous ayant plu, on est parti sur le même format. Et pour ce faire, on va commencer par la chronique de Diane sur l'église de Scientologie. Mais pour l'heure, mettons-nous dans l'ambiance avec Bruno Mars. Yeah. C'était Bruno Mars. Et maintenant, à toi, Diane. Merci pour la parole, Thomas. Alors, du coup, on va faire un petit peu d'actualité ensemble. Vu que c'était Pâques, il y a quelques semaines, on va parler d'une installation qui est très controversée. C'est celle de l'église de Scientologie. Alors, on dit église, mais en France, l'église de Scientologie, elle est considérée comme une secte. Le mouvement, donc, se présente comme religieux et a inauguré le samedi 6 avril un centre de formation à quelques centaines de mètres du Stade de France. Donc, c'est quand même un endroit relativement de passage. Dans son dernier rapport qui concernait l'église de Scientologie, qui date du coup de 2021, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a souligné que ce choix d'installation à Saint-Denis n'était pas anodin. Ils disent notamment que le bâtiment de 5 étages se situe à proximité du Stade de France, du futur village olympique et de l'autoroute A1, d'où le mouvement pourrait rendre visible la croix à 8 branches, son symbole. Fin de citation. La mairie de Saint-Denis était pourtant opposée à l'installation de ce centre de formation. Pour rappel, la scientologie, c'est une discipline qui est considérée comme une secte, mais considérée par son fondateur comme religieuse. Elle est fondée en 1952 et elle promeut une méthode pseudo-scientifique qui est appelée la dianétique, décrite par son fondateur comme, entre guillemets, une approche scientifique et rationnelle de la psychologie. Selon le fondateur de la scientologie, l'être humain, ce serait un être immortel qui aurait oublié sa véritable nature. Bon, à ce jour, aucune étude, bien sûr, ne valide les théories de la dianétique ni de la scientologie, qui, on le rappelle, est classée comme secte en France. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des sectes, d'ailleurs, vous ? On peut citer, par exemple, le cas de la famille qui est dans l'est de Paris, qui se situe ? Eh bah, je connais pas du tout, mais merci. Et puis, il y a aussi, le... Merci, Thomas. Merci de rien dire. Il y a aussi, le Ku Klux Klan, c'est une secte, non ? C'est bien, bien considéré comme une secte, oui, en effet. Tout à fait. Eh ben, merci Diane. Eh ben, on va s'arrêter là. Et juste avant d'écouter la prochaine chronique, donc Anaïs, notre nouvelle dans l'équipe, je propose une nouveauté musicale, Bay. Paraît que le vernis noir, ça fait péter, mais ça excite la meuf de mes rêves. Papa trouve que mes jeans sont trop serrés, les héros de son époque, c'est la même. Je retiens pas les leçons, celles de ma mère, surtout celles qu'elle me fait après 5 verres. Mais c'est dans ses bras que je vais chialer. J'suis une galère. J'ai débloché, même pas pourquoi. J'dois me battre avec moi, même quand je dors. Au réveil, j'suis seul sous les draps. Et même au coucher, y'a le silence de mort. Moi, j'veux du sexe, j'veux une porn star qui niquerait mes nuits comme un cauchemar. L'amour, c'est une drogue, ouais, un extase. J'attends celle qui m'aime comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui m'aime comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui me baisse comme une porn star. Et je suis pas le seul à être mort dedans, moi j'ai pas le seum. Enfin là, je fais genre à l'intérieur. Y'a un ange qui dort à l'extérieur. Y'a des flammes qui dansent, alors je me demande encore si j'essaye de faire semblant ou de leur ressembler. J'ai pas besoin de leurs anecdotes de merde. Moi je parle avec les voix dans ma tête. Et puis j'hurle dans la rue comme un con. À la beauté du soir, à la noirceur des ombres. Je sais pas trop si je suis bon ou mauvais garçon. Peut-être qu'un jour je serai sage. Non je déconne. J'étais bleu, je sais même pas pourquoi. Je dois me battre avec moi, même quand je dors. Au réveil, je suis seul sous les draps. Et même au coucher, y'a le silence de mort. Moi je veux du sexe, je veux une porn star qui niquerait mes nuits comme un cauchemar. L'amour c'est une drogue, ouais un extase. J'attends celle qui m'aime comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui m'aime comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui me baisse comme une porn star. Comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui m'aime comme une rockstar. Comme une rockstar, je veux ma porn star. J'attends celle qui me baisse comme une porn star. « C'était Pornstar de Bey dans Historia Nancy, l'émission par et pour les étudiants. Anaïs, tu voulais nous parler de Kurt Cobain, mort il y a tout juste 30 ans. Exactement, c'était il y a 30 ans et quelques jours, le 5 avril 1994, le monde de la musique a été bouleversé par la tragique disparition de Kurt Cobain, le talentueux leader du groupe Nirvana. Peut-être que vous connaissez leur hit « Smell Like Teen Spirit » qui est devenu un véritable hymne du rock des années 90 et a contribué à propulser le groupe vers la renommée internationale. C'est l'un des groupes les plus emblématiques des années 90 et il est souvent crédité pour avoir popularisé le mouvement grunge. Kurt Cobain a été retrouvé sans vie à son domicile de Seattle et sa mort a été prononcée comme un suicide par une blessure par balle à la tête. Sa mort a laissé un vide immense dans l'industrie musicale et surtout chez leurs fans. Kurt Cobain a marqué l'histoire de la musique avec son style unique et ses paroles profondes, naviguant entre le succès fulgurant de Nirvana et ses luttes personnelles, comme ses problèmes de santé mentale, sa toxicomanie et le poids écrasant de la célébrité qu'il a beaucoup énoncé à travers la musique. Il a laissé derrière lui un héritage musical indélébile. Malgré la courte carrière du groupe, le groupe continue d'influencer de nombreux artistes et le parcours tumultueux de notre chanteur-guitariste a mis en lumière les défis auxquels de nombreux artistes et individus sont confrontés et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rock. Et pour cause, nous ne l'avons pas oublié. Donc tout de suite, nous allons vous diffuser la chanson « Smell Like Teen Spirit » de Nirvana. She's so overboard, sad. C'était Nirvana dans Historia Nancy sur Radio Fadjet. Et en parlant musique, on reçoit aujourd'hui Anastasia Gérard, notre compositrice du jingle. Anastasia, la semaine dernière encore, tu participais à un concert au Cercle du Travail de Nancy. Tu as d'autres concerts de prévu, mais avant tout, parle-nous un peu de ton expérience musicale. Alors, ça fait une dizaine d'années que je joue de la guitare, personnelle ou dans des ensembles, etc., qui sont organisés par ma prof de guitare, donc Marie-Laure Privé-Makovic. Et donc, c'est des ensembles de guitare mandoline. Et on fait ça donc sur le secteur... plus dans les Vosges, Meurthe-et-Moselle, et un petit peu Moselle aussi. C'est l'ensemble de trois petits ensembles qui font quelque chose d'incroyable. Notre objectif, c'est vraiment de faire vivre la mandoline et la musique barde, la faire ressortir un petit peu des vestiges. Alors, où est-ce que tu puises ton inspiration ? Alors, c'est vrai que je compose aussi à côté. J'avoue que j'ai pas encore eu le courage de sortir mes compositions, parce que ça demande quand même... un certain courage aussi de... Enfin, je suis très perfectionniste aussi, mais je dirais que mon inspiration, elle vient de tout ce que j'écoute, de toutes les musiques que j'écoute. Je suis assez diversifiée en termes de musique. Ça va très bien de la hard music, hard techno, à de la musique très classique. Donc, j'ai plein de palettes que mes parents m'ont données. J'ai fait un mix et ça donne quelque chose d'assez sympa. Alors, il me semble que dès la semaine prochaine, tu auras à nouveau un concert. Je ne saurais pas dire où il est, peux-tu nous le redire ? Alors, je t'avais donné le nom, Thomas. Il est très compliqué à dire, mais je peux vous dire que ça sera en Moselle. Donc avec un des sous-ensembles en collaboration. Et donc on sera en tout petit comité. Et donc ça sera pas trop mal. Et est-ce que tu as d'autres projets en plus de ce concert qui vont arriver ? Alors, qui vont arriver cette année ? Non. Qui sont, on va dire, en attente. Je suis en collaboration avec un ensemble qui est basé sur Lyon, qui est l'ensemble Burgundy. Donc, on joue sur Lyon, etc. C'est l'ensemble Montelissimo. Donc là, c'est un gros projet dans lequel je suis membre. Mais cette année, je l'ai un peu mis en stand-by avec mes études. Et sinon... on a d'autres concerts qui sont évidemment prévus, d'autres collaborations avec un ensemble notamment en Allemagne. Et c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ce qui est déjà très bien, je te remercie. Et tu voulais nous interpréter un morceau en live, lequel ? Alors je vais vous interpréter Césaria de Thierry Tisserand, morceau très connu par les guitaristes. C'est donc Césaria de Thierry Tisserand, interprété par Anastasia Gérard. Merci beaucoup Anastasia pour cette belle musique. Et toujours sur l'actualité, Léo souhaitait aborder le catch. Exactement, c'est ça. Donc le week-end du 6 et 7 avril, ça a marqué la grande fête du catch, comme on l'appelle. Et donc tout le week-end, il y a eu des événements de plusieurs compagnies, notamment la 40e édition du plus grand show de l'année, qui est WrestleMania. Donc WrestleMania, c'est l'événement le plus important de l'année pour tous les fans de catch. Et c'est aussi l'occasion d'avoir certains des plus grands matchs de l'histoire. Donc on peut noter par exemple The Rock contre John Cena à WrestleMania 28 ou 29 en 2012-2013, L'Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 25 ou 26 en 2009-2010, ou encore The Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania 18 en 2002. Donc j'ai donc décidé de vous parler de deux matchs qui ont marqué l'histoire de WrestleMania. Donc pour commencer, on va remonter un peu en arrière, en 1987 pour WrestleMania 3, pour parler du match entre Hulk Hogan et André the Giant pour le titre de champion du monde. Est-ce que vous connaissez ces deux catcheurs ? Oui. Oui. Oui, oui ? D'accord. Non. Non, pas du tout. D'accord, bon, pas de souci. Donc je vais les présenter rapidement pour toi, Diane, et aussi pour nos éditeurs. Donc André, c'est un catcheur français qui est né en 1946 et qui est très important pour l'histoire de la WWF, donc la World Wrestling Federation, qui est la plus grosse compagnie de catch, surtout dans les années 70. Il faut savoir que c'est un catcheur qui était malade, qui souffrait d'acromégalie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Non. Toujours pas. En fait, c'est une malformation de l'hypophyse de croissance qui fait qu'on grandit continuellement. Donc, on peut se faire opérer pour stopper les effets parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est malade meurt aux alentours de 40 ans. Et André, il a fait le choix de ne pas se faire opérer. Donc, ce qui fait qu'en 87, il mesurait 240 kg pour 2,24 m. Et donc Hulk Hogan, je pense que vous le connaissez quand même, un minimum, oui, au moins de nom. Non. C'est pas grave, Diane. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à cette époque le plus grand catcheur, le catcheur le plus connu, le plus apprécié. On est en pleine Hulkamania à cette époque. Et c'est le visage de la compagnie, il est adulé par les fans et il enchaîne les titres de champion du monde. Alors ce qui fait que le combat est important, c'est son résultat. Après 12 minutes de combat, Hulk Hogan y soulève les 240 kg d'André avant de le couvrir et de conserver son titre de champion du monde. L'événement il est aussi très populaire puisqu'il y a 93 000 personnes qui sont dans la salle. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la plus grosse influence en salle aux États-Unis après une visite du pape Jean-Paul II. Le combat il est considéré comme le match le plus important de l'histoire du show. Maintenant, il faut aussi avoir à l'esprit que tout ce qui est autour du combat. En 87, André il était déjà très affaibli. Et ça se voit très facilement durant le match. Il marche lentement, il se tient encore et est vite essoufflé. D'ailleurs, il meurt en 1993. C'est pour ça que ça fait déjà plusieurs années que Hogan était devenu le visage de la compagnie. Parce que dans les années 70, justement, c'était André qui était le visage. Donc André, il est plus aussi impressionnant qu'avant. Et il fallait lui trouver un remplaçant. Le match, il a marqué les fans. Parce que pour la première fois en 15 ans, un catcheur était parvenu à soulever André et à le battre seul. Et il a aussi fait comprendre aux fans que désormais, WrestleMania, c'était le plus gros show de l'année et qu'il fallait prendre en considération ce show comme le moment le plus important du catch. Donc maintenant, avant de vous parler d'un autre combat marquant, on va écouter Open Your Eyes d'Alter Bridge, qui est un groupe connu pour avoir composé plusieurs musiques d'entrée de catcheur. Still I run. C'était Open Your Eyes d'Alter Bridge. Merci Thomas. Donc, après avoir parlé du match le plus important de l'histoire de WrestleMania, je vous propose d'en parler d'un autre qui a également eu un impact retentissant et qui a profondément marqué le public. Donc on est en 2014, pour la 30e édition de WrestleMania. Devant 75 000 personnes, le show se déroule et arrive l'un des matchs les plus attendus de la soirée. L'Undertaker contre Brock Lesnar. Est-ce que vous connaissez ces deux catcheurs? Non. Non. À ton avis. Nikita, tu connais? Oui. Ok. Alors, du coup, je vais quand même les présenter très rapidement. Donc, Brock Lesnar, c'est un grand catcheur qui a fait ses débuts en 2002 à la WWE et qui s'est très vite imposé comme une star de ce milieu. D'ailleurs, il devient champion du monde à 25 ans en 2005. Donc, c'est vraiment une ascension très rapide. Le 6 avril 2014, il fait face à un adversaire de taille qui est l'Undertaker. Donc, celui-ci, il a commencé sa carrière en 1992. Donc, c'est vraiment la génération... l'ancienne génération... Et il a marqué 3 décennies. Sa particularité, c'est une série d'invincibilités à WrestleMania, de 21 matchs sans aucune défaite. Il affrontait les plus gros catcheurs comme Edge, Orton ou Shawn Michaels. Et personne n'a pu le battre pendant le plus grand show de l'année. Donc l'histoire entre les deux catcheurs, elle est simple. Brock Lesnar, il réclame un titre de championnat à WrestleMania, mais la demande, elle est refusée par la direction. Donc il appelle n'importe qui à faire un match contre lui, et c'est l'Undertaker qui apparaît. Il signe son contrat pour le match et il lui plante un stylo dans la main avant de l'écraser sur le ring, officialisant le match. Donc le match, il a lieu, comme je l'ai dit, le 6 avril 2014 et la salle est pleine. Tout le monde est sûr du résultat et personne n'imagine une défaite de l'Undertaker. Le combat, il débute et les coups échangés sont brutaux. L'Undertaker, il est victime dès le début d'une commotion cérébrale, ce qui va l'affaiblir pendant le combat. Il semble perdu et a du mal à tenir le rythme imposé par Lesnar. Pendant plus de 25 minutes, les deux catcheurs vont lutter et se porter plusieurs fois leur prise finale pour la victoire. Après avoir assisté à plusieurs reprises pour battre son adversaire, Brock Lesnar parvient à couvrir l'Undertaker pour le compte de 3, mettant un terme à la série d'invincibilité de l'Undertaker, vieille de 21 ans. Ce combat, il a profondément marqué le public et l'histoire de WrestleMania. Beaucoup de personnes pensaient que La série d'invincibilité, elle serait jamais terminée. Mais le 6 avril 2014, devant plus de 70 000 personnes, cette défaite a eu lieu. La série d'invincibilité a pris fin, marquant le monde du catch à jamais. Merci Léo pour ces deux chroniques sur le catch. Et avant de passer à notre avant-dernière chronique, pardon, musique avec Under d'Alex Hepburn. Don't bury me. Time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me. Don't lay me down. Don't say. Vous êtes toujours sur Historia Nancy et c'est l'heure de ma chronique. Aujourd'hui, je suis allé visiter le Struthof. Je savais pourquoi j'y allais, le devoir de mémoire. La visite venait en plus compléter un devoir que j'avais à rendre sur la Seconde Guerre mondiale pour mes cours. Ce qui m'a frappé, c'était le nombre impensable de gens qui se prenaient en photo en rigolant, qui chantaient et qui parlaient de tout et de rien. Derrière moi, deux filles discutaient de leur coup de la veille. Mais alors, qui a l'idée d'aller sur de tels lieux et de ne pas respecter l'histoire ? Aller sur un lieu macabrement connu et l'exploiter de manière indécente, ça s'appelle le dark tourism. Est-ce que c'est une notion que vous connaissiez ici ? Oui. Oui, oui. Super, je vais quand même vous la représenter. Merci Diane de pas de soucis, il y a vraiment ce dont on parle aujourd'hui. T'en fais pas, je suis une inculte, s'il y a besoin, je saurais pas. Alors, Justement, on le sait, l'humain il s'intéresse au tragique et au macabre, et ça fait des siècles que ce dark tourism s'est mis en place par des pèlerinages vers des lieux de martyrs ou des sites de batailles sanglantes. Et il y a beaucoup d'organisations qui dénoncent la commercialisation de la souffrance humaine, d'autant plus que la majorité des gens qui se rendent sur ces lieux, comme le Struthof, s'y rendent pour un devoir de mémoire. Les camps de concentration ils illustrent parfaitement ce genre de tourisme, et ça suscite de grands débats sur la manière de conserver la dignité des lieux de mémoire, en permettant quand même l'éducation et le souvenir. Alors, chers auditeurs, mais surtout chère équipe, ma question est la suivante. Que pensez-vous du tourisme macabre ? Bah, franchement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Mais c'est probablement parce que j'ai jamais été vraiment confrontée à la situation, mais là c'est vrai, comme ça me paraît assez malsain. Je veux dire, si on est dans un endroit où on sait que de nombreuses personnes ont souffert, que ce soit maintenant ou que ce soit il y a 100 ans, je pense que c'est la même chose en fait. Il faut respecter la souffrance et il faut... Bah disons que je pense qu'on peut trouver de meilleurs endroits pour parler de ces coups de la veille par exemple. Bah, le tourisme macabre, tout dépend de où on va, ça dépend, oui, si c'est en effet des camps de concentration qui sont aujourd'hui visitables, tels que Auschwitz-Birkenau ou Nadweiler-Struthof. Oui, il faut un minimum de réserve et donc pouvoir essayer de comprendre la souffrance qu'ont eu ces gens, en effet, mais tourisme macabre, ça peut être aussi des anciens sites militaires, tels que par exemple les anciens bâtiments de la ligne Maginot, et puis là, c'est un peu plus fun, je vais vous avouer. C'est toujours fun de comprendre comment marchaient les artilleries militaires. Tout à fait. Anastasia, peut-être un avis ? Moi, je pense à peu près la même chose, qu'il faut tout simplement doser en fonction du passé, du monument qu'on va voir, pour le respect de la mémoire. Bah moi, je pense que c'est bien parce qu'on apprend des choses sur l'histoire, mais il faut respecter les lieux. Donc, si on s'y rend pour le visiter, il faut avoir une conduite irréprochable et donc ne pas faire de selfie, par exemple, devant des statues ou des endroits importants. Et voilà, pour moi, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis d'accord sur le fait que c'est important de visiter ces lieux, ne serait-ce que pour la mémoire, comme tu as dit. Mais il faut aussi avoir conscience de l'histoire de ces lieux et de pas la salir en faisant n'importe quoi quand on visite ce genre d'endroit. Eh bien, merci à tous pour vos réponses. Et avant de finir cette émission, si on écoutait un petit peu Jennifer Lopez. Mais avec grand plaisir. Let's get c'était Let's Get Loud de Jennifer Lopez. Et pour conclure, toujours sur les voyages, parlons Europe du Sud et Centrale dans Historia Nancy. Nikita, c'est à toi. Alors en effet, ce sera déjà beaucoup plus gay que le dark tourism, mais quant à moi, grâce à mes expériences, notamment d'échanges universitaires, j'ai pu voyager dans pas mal de pays de Sud et Centrale. Et moi, je vais vous parler donc du coup dans ma ville d'accueil qui a été Split en Croatie. Split, c'est quoi? C'est la deuxième plus grande ville du pays avec 200 000 âmes à peu près. C'est chargé d'histoire, c'est chargé de culture, c'est chargé surtout de culinaire parce que quand je visite quelque chose, j'adore la nourriture, bien entendu. Bon, passons d'abord les choses à visiter. Il y a énormément d'îles. Split, c'est une des plus grosses concentrations d'îles de la Croatie. On peut notamment visiter l'île de Brač, l'île de Var ou même l'île de Korčula avec la demeure de Marco Polo. L'île de Vrar est connue pour être ses fêtes, ses casinos, etc. Et avec l'accent, s'il vous plaît. Bien entendu. Sinon, dans la ville principale de Split, il y a le fameux palais de Dioclétien, là où a décidé de résider l'empereur. Il y a l'empereur Dioclétien, empereur romain, à sa retraite en 305, donc il y a ici 1700 ans. Ça fait vieux hein, maintenant. Aujourd'hui, c'est considéré comme le centre historique de la ville. Il y a plein de petites boutiques de souvenirs pour les pigeons touristes. Doucement sur les pigeons de touristes. Non. C'est aussi très connu parce que le palais de Dioclétien et le centre historique de Split, c'est pas n'importe quoi. Si vous êtes fan des séries, notamment de Game of Thrones, c'est la cité de Meereen qui fait office. Split fait office de la cité de Meereen dans Game of Thrones, en effet. Après, qu'est-ce qu'on peut d'autre visiter? Au nord de Split, vous avez la petite ville de Solin, qui est très intéressante, notamment pour ses ruines romaines. On peut voir une cité entière romaine, mais aujourd'hui, c'est que du caillou. Donc si ça vous intéresse pas, n'y allez pas. Si vous êtes beaucoup plus fan de rando, allez juste à l'est avec y a le gros sommet du Mosor, ainsi que le sommet du Biokovo. Au Biokovo, vous avez ce qu'on appelle un skywalk, c'est-à-dire en gros, vous marchez sur des plaques de verre et vous pouvez voir en dessous. Quant au Mosor, c'est plus classique pour des randos, des bonnes randos, on va dire, qui se font bien souffler. Pour la cuisine, ça c'est important, la cuisine, toujours important. Toujours. Split et notamment la Dalmatie sont connus pour du très bon vin blanc, ainsi que du risotto noir, qui est un risotto classique mais coloré grâce à l'huile de poulpe, de l'encre de poulpe, pardon. Aussi connu pour du jambon fumé qu'on appelle le prosciutto, qui fait bien sûr écho au prosciutto italien. Et à Noël, vous pouvez goûter. Il y en a plein de stands. Vous pouvez goûter des boules de beignets frits. Ça s'appelle les frittule. Et ça, c'est excellent, je le conseille. Bien entendu. Eh bien, c'est à peu près que ce que je voulais dire. Ah si vous êtes fan de musique, il y a à Split, le 12 et 14 juillet prochain, l'Ultra Europe Festival, qui est un festival de musique hardcore, de musique électronique hardcore. Voilà. Très bien, bah merci Nikita, on y pensera. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci Anastasia pour ta présence. Mais de rien. On se donne rendez-vous dans un mois, en espérant que d'ici là, Anaïs se sera remise. Et on vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Historia Nancy sur Fadjet. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.